C'était des caravanes alors qui étaient par rapport à aux habitations des gens, c'était grand luxe parce que c'était des grandes caravanes du FAS. C'est quoi le FAS? Ces fonds d'action sociale, ça existe D'accord, encore, je crois. ouais. Donc on avait des caravanes dans lesquelles on habitait, donc c'était assez grand, mais bon, j'ai aucune photo, mais il y avait une pièce principale avec une salle de bain, enfin une douche, et deux petites chambres, une à chaque bout. Donc on était deux par caravane, et il y avait, je sais plus si c'est trois ou quatre caravanes. Je suis sûre qu'il y avait deux caravanes pour habiter, parce qu'on était quatre à loger sur place. Il y en avait une qui servait de bureau d'accueil à l'assistante sociale qui était là. Il y avait une fille qui était infirmière. Et je ne sais plus s'il n'y en avait pas une quatrième. Et il y avait comme autre structure, il y avait une espèce de baraquement qui servait à faire des réunions. Et il y avait un très beau petit chalet qui servait de jardin d'enfants. Donc il y avait deux femmes qui étaient jardinières d'enfants. Donc qui prenaient les enfants du terrain à l'école, sur D'accord. place, les petits. Donc moi, ma fonction, c'était d'être habitante là. Et donc je côtoyais l'équipe et les gens, disons que je n'avais pas affaire à eux directement dans un travail, puisque moi je travaillais à Stein, mais je les côtoyais dans la vie, quoi. C'était dans une cabane. Je dirais une baraque qui servait de centre de D'accord. rencontres, d'activités, qui était, je sais pas qui est-ce qui l'avait construite, parce que je me souviens qu'avant nous, il y a eu une volontaire toute seule qui a habité sur le terrain au départ, parce que c'est pas non plus évident d'aller s'installer comme ça sur un terrain. Mais nous, on était l'équipe à laquelle j'appartenais, on est arrivé, c'était installé. Je veux dire, pour les habitants. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faisiez pour aider ces gens-là? Il y avait déjà l'école pour les petits. D'accord. Donc les mamans pouvaient aussi participer à des activités dans l'école. D'alphabétisation? Non, Non. pour venir jouer avec leurs enfants. D'accord. Les filles, on essayait aussi de faire un peu d'éducation à l'alimentation. Donc elles faisaient des goûters, la cuisine avec les enfants et les mamans, des choses comme ça. Il y avait donc l'assistante sociale qui aidait énormément pour les histoires de papier parce que ça n'a pas changé. Il y avait déjà beaucoup d'histoires avec les papiers. Et puis, il y avait ma collègue qui était infirmière qui devait, mais qui faisait un peu de soins, mais pas beaucoup, quoi, disons. Et puis, il y a eu beaucoup de travail de fait, de réunions pour le relogement.